2, 3, pourtant c'est fort là. Talking C'est un autre morceau, c'est le même. Ce son là. Aïe. J'ai mis mon micro, désolé. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove.